Oh, this cat with a kitten's claw. She's about to break. Thank you.

fait froid. Plus de murmures, le téléphone est tient. Des bruits de sang, juste les bruits de mon corps qui pleure. Je suis seul. Avec mes souvenirs qui me tressent, je suis seul dans la nuit. Je suis seul dans la nuit avec mes souvenirs qui me tressent. Les rues sont vides. Comme des erreurs, elles s'éteignent un à un comme mes bonheurs. Et si je crois qu'il viendra, le silence est mon seul ami maintenant. Thank you. parce que moi je veux aller là-bas. Je suis seul. Je suis seul. Je suis seul. Oui. Je suis seul. So